علم رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وأن الله عز وجل حفظ هذا العلم الشرعي بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهي ميزة لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الكتب المتقدمة التي نزلت قبل القرآن وما جار عليها من التحريف والتغيير والتبديل فلما كانت هذه الأمة آخر الأمم والكتاب آخر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل والرسالة آخر الرسالة تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك أي بالعلم الشرعي رحمة بهذه الأمة ولئلا تضل عن سواء السبيل إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون فهذه الآية قل رب زدني علما فهي وصية لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الله عز وجل ليزيدهم من العلم النافع قل رب زدني علما محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى qui est le guide des croyants dans le hadith, a dit « Le livre de la science, Bismillahirrahmanirrahim, chapitre « Le mérite de la science ». D'après la parole d'Allah le Très-Haut, certes Allah élèvera en degré parmi vous ceux qui auront cru et qui ont reçu le savoir. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et d'après la parole du Très-Haut, dit mon Seigneur, accrois-moi de mes connaissances. Ici, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, s'est argumenté concernant le mérite de la science en citant deux versets. Le premier verset qui se trouve dans Surat al-Mujadala. Et le deuxième verset qui se trouve dans Surat Taha, dit mon Seigneur, accrois de mes connaissances. Le deuxième verset, ici, est une parole destinée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu tabaraka wa ta'ala ordonne au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il demande à Allah qu'il lui rajoute de la science bénéfique qui en découlera l'œuvre pie, les bonnes actions. Et cette science, c'est la science du livre d'Allah Azza wa Jal et la science de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a enseigné, a appris à son messager sallallahu alayhi wa sallam le livre et la sunna. Et Allah Azza wa Jal a préservé, a protégé cette science légitime. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ceci est une particularité ou un privilège en ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des autres livres précédents le Coran, ceux qui ont été révélés avant le Coran. Car les livres qui ont précédé le Coran, il y a eu modification, changement, altération. Et étant donné que cette communauté est la dernière des communautés et que le livre est le dernier livre qu'Allah Azza wa Jal a descendu et que ce message est le dernier des messages, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de préserver, de protéger cette science religieuse. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et cela, une miséricorde pour la communauté. C'est une miséricorde pour la communauté. Et aussi afin que cette communauté ne s'égare pas. Et donc ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, c'est une recommandation pour ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils reviennent à Allah azza wa jal afin que Allah subhanahu wa ta'ala leur accroît la science bénéfique, la science légitime. Dis, mon Seigneur, accrois de mes connaissances. أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم الشرعي بل رغبه في زهد المال والدنيا ولكن العلم أمره أن يستفيد. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui demande un rajout pour toute chose, excepté la science religieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé, il a incité son prophète sallallahu alayhi wa sallam à renoncer au bien de la vie d'ici-bas, à renoncer à l'argent. Mais contrairement à la science, il lui a demandé d'en tirer profit. فهذا أمر من الله عز وجل موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, comme on peut le voir, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal qui est orienté vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمَزِيدَ مِنَ الْعِلْمِ. Donc il a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son messager qu'il lui accroît, qu'il lui rajoute de la science. فَعْلَمْ مَهْمَا بَلَغْتَ مِنَ الْعِلْمِ يَكُنْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَالِمٍ وَالْمُرَادُ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هو العلم النافع لصاحبه وليس العلم الذي يضر صاحبه ويكون حجة عليه. Et donc ici, il faut que on sache, quoi qu'on acquiera comme science, on trouvera toujours une personne qui a plus de science que nous. D'après la parole d'Allah Azza wa Jal, au-dessus de chaque personne détenant la science, il y a une personne savante. Et dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Dis mon Seigneur, accrois de mes connaissances », le sens ici du rajout de la science est la science profitable dont la personne en tirera profit. Mais ce n'est pas la science visée ici qui nuira à la personne ou qui sera un argument contre lui le jour de la résurrection. قلنا أن الله عز وجل أمر نبيه أن يطلب المزيد من العلم وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أكل طعاما يقول اللهم بارك لنا فيه وأعطينا خيرا منه. وأيضا جاء في سنن أبي داود أن الإنسان إذا شرب لبنا فيقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. جاء في السنة المزيد أي أن يطلب الإنسان المزيد من اللبن لأن اللبن فيه الغذاء أي يقوم مقام الطعام. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الحديث الذي فيه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أتي بلبن فشرب منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت اللبن حتى رويت فبقي فضلة فناولته لعمر بن الخطاب فقيل يا رسول الله بما أولت ذلك قال بالعلم. ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه أول اللبن بالعلم، وجاء في الحديث في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أمته أن يطلبوا المزيد من اللبن. فنلاحظ عندما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قل رب زدني علما أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يطلب المزيد من العلم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب المزيد من اللبن، واللبن كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه أول بالعلم، لأن اللبن يقوي الجسم وأن العلم يقوي القلب، فبالعلم يزداد الإيمان. Et donc, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il demande à son Seigneur qu'il lui accroît de la science. Et sachez qu'il a été mentionné dans des hadiths que lorsque la personne mange, à la fin, il y a une invocation qui est citée. Ô Allah, bénis ce que tu nous as octroyé et donne-nous meilleur que cela. Et de même, a été mentionné, a été cité dans le sunnan de Abu Daoud, que lorsque le croyant, le musulman, il boit du lait, que lorsqu'il termine, il y a une invocation à citer. Ô Allah, bénis ce que tu nous as octroyé et rajoute-nous-en. Et donc, on voit dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son sunan qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous rajoute, qu'il nous augmente l'obtention du lait. Et a été mentionné le lait, et il a été interprété par la science dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Ce hadith mentionne le mérite de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a vu en songe qu'on lui a apporté du lait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a bu de ce lait. Il a dit, j'ai bu du lait jusqu'à en être jusqu'à ne plus avoir soif. Et puis il en restait. Il restait du lait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu. Il a dit, je l'ai donné à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et les compagnons ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment as-tu interprété cela? Il a dit, je l'ai interprété par la science. Et donc, on remarque dans ce hadith que le lait a été interprété en tant que science. Et dans le hadith que nous avons mentionné, rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a orienté sa communauté, qu'elle demande à Allah Azza wa Jal que Allah subhanahu wa ta'ala leur rajoute du lait. Et donc on avait vu le verset dans lequel s'est argumenté l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis mon Seigneur, accroche-moi de mes connaissances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète qu'il lui demande qu'il lui rajoute de la science. Et donc dans le hadith rapporté par Abu Daoud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a orienté sa communauté, qu'elle demande à Allah que Allah leur rajoute du lait. Pourquoi? Car le lait est une nourriture, et que cette nourriture tient et lieu et place de beaucoup d'aliments. C'est-à-dire que le lait est un aliment qui fortifie le corps, que si la personne en boit, celle-ci n'a pas besoin d'aller parfois manger d'autres aliments. Et on a vu que le lait a été interprété en tant que science. Il a été interprété en tant que science. Il a été interprété en tant que science dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim concernant le mérite de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc on remarque que le lait fortifie le corps humain et que la science, elle fortifie le cœur. et par la science, la foi augmente. ثم ننتقل إلى الباب الثاني. Et donc maintenant, on va passer au deuxième chapitre. فيقول الأمير المؤمنين في الحديث باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ح وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال مات الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قاد حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الآمنة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Et donc le deuxième chapitre. Donc on a vu le premier chapitre qui est le mérite de la science. Le deuxième chapitre. Chapitre, celui qui est interrogé au sujet d'une science et qui est occupé dans ses propos, qu'il termine sa conversation, puis qu'il réponde au questionneur. Ici, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, quand il mentionne un hadith, il le mentionne avec une chaîne de transmission. La chaîne de transmission est Haddathana Muhammad ibn Sinan jusqu'à Abu Huraira qui a dit Bainama an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. فهذا يسمى إسنادا أو سندا. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة وهي فضيلة ولله الحمد يحدث العدول عن العدول إذ لا يقبل العلم إلا ما ثبت عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر العلم فقال العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان. Et donc, voyez ici, donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, quand il narre un hadith, il rapporte un hadith, il mentionne une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc une chaîne de transmission est que un tel a dit, il nous a raconté, d'après un tel, jusqu'à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une des particularités de cette communauté. Et ceci est un bienfait pour cette communauté, qu'on trouve une personne de confiance rapporte d'une autre personne de confiance. Comme vous le savez, la science ne peut être acceptée que ce qui a été authentifié d'Allah Azza wa Jal et ce qui a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il y a un grand savant du nom de Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala qui a dit, la chaîne de transmission fait partie de la religion. Sans la chaîne de transmission, un tel aurait dit ce qu'il veut. Et de même, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a mentionné la science, il a dit, la science est. Il a dit, il nous a raconté. Et tout ce qui est en dehors de cela sont des suggestions du diable. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قاد حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. Et donc Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit, tandis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans une assemblée, en train de enseigner, de mettre en évidence ce que les gens pouvaient tirer profit de ses propos. Un bédouin est venu à lui et lui a dit, à quand l'heure? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi ses propos. Certains des gens ont dit, il a entendu ce qu'il a dit, mais cela l'a répugné, ce qu'il a dit. Et d'autres ont dit, mais plutôt il ne l'a pas entendu. Jusqu'à ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, termine ses propos. Et il a dit, où est celui qui a questionné au sujet de l'or? Dans le hadith, il y a un mot, ura'u. Le sens est avunnu. C'est un des rapporteurs de la chaîne de transmission qui a dit « je pense ». Il a dit, donc c'est le bédouin, « me voici au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « lorsque le dépôt disparaîtra. Attends-toi alors. » Et le bédouin a dit, « Comment disparaîtra le dépôt ?» Il a dit, « Lorsque la responsabilité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi alors. » إذن هذا الحديث الحكم الرئيسي منه ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. Et donc dans ce hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, le statut principal, le jugement principal de ce hadith est ce que l'imam al-Bukhari a intitulé comme chapitre lorsqu'il a dit chapitre, celui qui est interrogé au sujet d'une science, alors qu'il est occupé dans ses propos, qu'il poursuit ses paroles, puis qu'il réponde au questionneur. Na'am, qad yakunu al-'alim mushtaghilan fi hadith ma fi bayan al-halal wal-haram أو في بيان الأحكام الأخرى أو في موعظة ما ونحوها من توجيهات نافعة قد يعترضه معترض بسؤال سواء تتعلق بموضوع ما يتحدث فيه المتحدث أو بموضوع آخر كهذا السؤال الذي سأل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. Et donc effectivement, on peut trouver un savant ou un cheikh qui est occupé en train de narrer soit en mettant en évidence le licite et l'illicite ou soit en mettant en évidence d'autres règles de la religion ou même en train d'exhorter et d'autres directives bénéfiques. Et il se peut que vienne s'opposer une personne, c'est-à-dire couper son cours, ses récits ou ses propos, par une question, que cette question, elle soit en relation avec le sujet qui est en train de traiter le savant, ou bien qu'elle soit en relation avec un autre sujet, comme lorsque le bédouin est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a posé cette question: ma tassara, à quand l'heure? Fa idha mada al-mutahaddithu في حديثه وأعرض عن إجابة السائل مباشرة وهو ينوي أن يجيبه فلا حرج على المتحدث أن يرجع الإجابة عن السائل حتى يتمكن من الإجابة غير أنه لا يهمل لا يهمل السؤال السائل لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فيكون قد كتم علما عن طالبه والعلم لا يجوز أن يكتم عن طالبه وإنما يكتم العلم عمن لا يستحقه أو من ليس له بأهل كمن يستهزئون بالدين أو بأحكام الدين فإن هؤلاء لو كتم العلم عنهم لا إثم في ذلك على كاتمه. Et donc le savant, le cheikh, lorsqu'il poursuit son récit, son cours, et qu'il se détourne de répondre à la question du questionneur directement, mais qu'il a l'intention de lui répondre, il n'y a aucune gêne, il n'y a aucun mal que ce savant ou que ce chir reporte, diffère la réponse à la question. Et surtout, si c'est une question qui est en relation avec les règles religieuses. Mais il ne doit pas, le savant, le chir, abandonner de répondre au questionneur. Car cacher une science, car il cachera une science pour celui qui la demande. Et la science, il est formellement interdit de la cacher pour celui qui la recherche, qui la demande. Mais maintenant, la science peut être cachée. On peut cacher la science à celui qui ne la mérite pas, celui qui n'en est pas digne. Comme par exemple, ceux qui se moquent de la religion ou qui se moquent des enseignements de la religion. Eux, si on leur cache la science, il n'y a aucun péché pour celui qui agit ainsi. إذن فهذا إذا أراد أن يجيبه وأما إذا لم يريد أن يجيبه فالأمر ظاهر فكذلك لا يلزم أن يوجب على كل سائل بل قد تكون من المسائل لم تكن عليها الإجابة كما تحصل عليها فتنة أو شر أو بلاء وكذلك ما لم تكن الإجابة عليها كالسائل الذي يريد الشقاق أو الإحراج فلهذا أن الله سبحانه وتعالى خير لنبيه صلى الله عليه وسلم بإفتاء أهل الكتاب بإفتاء أهل الكتاب الذين لا يريدون الحق قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Et donc ce qu'on a mentionné, c'est pour celui qui désire donc répondre au questionneur. Mais maintenant, celui qui ne désire pas répondre au questionneur, la chose est claire. C'est-à-dire, il se peut qu'on ne puisse répondre au questionneur, qu'il va venir avec des questions, qu'il va poser des questions, et qu'on ne puissera pas répondre à ces questions. Surtout si découlent de ces questions des troubles, du mal ou un fléau. Et également, il n'y aura pas de réponse à celui qui viendra questionner, mais dont son intention est de semer la discorde et de mettre dans la gêne le savant. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé choisir son prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, de donner un avis légitime aux gens du livre qu'ils ne désiraient pas la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et s'ils viennent à toi, juge parmi eux, ou bien détourne-toi d'eux. فهذا الحديث يتضمن آدابا من آداب العلم ويفيد شيئين: آداب العالم وآداب المتعلم. أما آداب العالم فإنه لم يقطع حادثه مع الجالسين قبله لينشغل بذلك الجواب للأعراب لأن هذا المسلك فيه إساءة الأدب مع السابق الذي سلك هذا السبيل أي تحصيل العلم وقد يضيع على العالم بعض ما كان يستحضره للمجلس ليحدث به وأما آداب المتعلم أن هذا الأعرابي لم يكرر السؤال حتى يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أدب يجب أن يسلكه كل طالب علم مع شيخه فلا يكرر عليه السؤال إذا رآه مشتغلا في أمر ما. Et donc ce hadith qu'on a mentionné, que nous sommes en train d'étudier, il renferme un comportement de science. Il indique deux choses. Le comportement que doit avoir le savant et le comportement que doit avoir celui qui recherche la science. Tout d'abord, concernant le comportement du savant, on a vu que le savant, ici étant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas ou n'a point interrompu son discours lorsqu'il narrait ceux qui étaient présents devant lui pour répondre à la question du bédouin. Car en cela, car dans cette conduite, il y a un mauvais comportement si on interrompt son discours. Pour celui qui est venu apprendre la science. Et même cela peut nuire aux savants. Ce qu'il avait préparé comme cours pour l'assemblée. Et ce qui concerne le comportement que doit avoir celui qui recherche la science, on a vu que ce bédouin, il n'a pas réitéré sa question, afin que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, soit entendu, soit écouté par l'assemblée. Et on voit qu'il y a un comportement à suivre, que chaque étudiant, que toute personne qui recherche la science doit avoir avec son professeur, qu'il ne doit pas réitérer la question s'il le voit occupé pour tel et tel cas. ففي هذا الحديث أيضا دليل على أخذ العلم بالسباق والسباق هو الذي يقدم على غيره السائل إذا سأل أو استفتى فيقدم على غيره من شخص جاء بعده فيبدأ بالأول فالأول وكذلك الفتوى المستفتي فالأول بالأول وهذا فيه حسن التنظيم على إعطاء العلم وإجابة عن الأسئلة وفيه Adlun wa Ihsan. Et donc, dans ce hadith, il y a également une preuve que celui qui est venu rechercher la science, qui est venu apprendre, passe avant celui qui est venu après. C'est-à-dire que si un questionneur pose une question au savant, ou bien qu'il demande au savant un avis légitime, alors il passe devant celui qui est venu après lui. On commence par le premier et ainsi de suite. Et également pour la fatwa, pour l'avis légitime. On commence par le premier et ainsi de suite. Et en cela, il y a une bonne organisation pour dispenser la science, pour répondre aux questions. Et en cela, il y a une justice et un bienfait. ثم جاء الحديث عن إجابة السائل الذي قال مات الساعة وهذا السؤال ليس هو الوحيد عن الساعة فكم من أسئلة جاءت في القرآن الكريم عن الساعة يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها ويقول سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة وأيضا في حديث جبريل المشهور عليه السلام الذي يبين فيه مراتب الدين للأمة الإسلام والإيمان والإحسان ثم ختمه جبريل عليه السلام وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ثم ختم بالسؤال عن الساعة فكان في آخر الحادث فأخبرني عن الساعة قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمراتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Et donc le récit est venu maintenant concernant la question, concernant la réponse à la question. À quand l'heure? Cette question n'est pas la seule qui a été posée concernant l'heure. Et combien de questions ont été mentionnées dans le Coran concernant l'heure? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il t'interroge au sujet de l'heure, quand arrivera-t-elle? Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Et le hadith de Jibril alayhi salam, qui est connu, célèbre, où ce hadith met en évidence les trois degrés de la religion pour la communauté, l'islam, l'iman, la foi, ou l'ihsan, la bienfaisance. Et donc, à la fin de ce hadith, Jibril alayhi salam a conclu en posant des questions au messager sallallahu alayhi wa sallam, dont le messager sallallahu alayhi wa sallam lui répondait en lui disant ou en le questionnant au sujet de l'heure. Donc a été cité à la fin du hadith, Jibril alayhi salam a dit: informe-moi au sujet de l'heure. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. Et ensuite Jibril alayhi salam a dit: informe-moi concernant ces signes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et lorsque la domestique enfantera sa maîtresse, et que tu verras ceux qui sont pieds nus, nus, pauvres, bergers, se rivaliseront dans l'élévation de construction. إذن فقال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم مات الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجمل مختصرة وأعطاه العلامة البارزة فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة اسم عام لكل ما اؤتمن عليه المكلف من الحقوق التي بينه وبين الله تبارك وتعالى ومن الحقوق التي بينه وبين الخلق. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما اؤتمن عليه الإنسان من تكاليف الشرعية ومن الحقوق الإنسانية فهو أمانة يجب عليه أداؤها. Et donc, le questionneur a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à quand l'heure? Quand arrivera l'heure? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu par des phrases concises et lui a donné le signe évident, manifeste. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque le dépôt disparaîtra, attends-toi à l'heure. Qu'est-ce que le dépôt? Le dépôt est un nom général en tout ce qui est confié à l'homme pubère chargé de responsabilité, comme droit qu'il a entre lui et son Seigneur, comme droit qu'il a entre lui et les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Mais ils ont refusé et ils en ont eu peur. Et l'homme s'en est proposé. Et certes, il est très injuste et ignorant. Donc tout ce qu'on confie à l'individu, que ce soit les préceptes religieux ou que ce soit les droits des créatures, tout cela est considéré comme un dépôt. Et il est obligatoire à l'individu de le restituer. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فهذه من علامات الساعة فأول ما يفقد من الدين في هذه الحاجة الأمانة. فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. Et donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le dépôt disparaîtra, ceci et un signe et un des signes de la fin des temps. Et la première chose qui disparaîtra dans cette vie concernant la religion est le dépôt. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la première chose que vous égarerez de votre religion est le dépôt. Et la dernière chose est la prière. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال الأعرابي كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque le dépôt disparaîtra, attends-toi alors. Et le bédouin a dit: comment le dépôt disparaîtra? Il a dit: lorsque la responsabilité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends-toi alors. فهنا سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر حتى يوضحه، لأن الأمانة لفظ عام وفيه الدليل على الذي لم يفهم ولم يستوعب البيان. Et donc ici le bédouin a posé une autre question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui clarifie la chose, car le dépôt est un nom général comme on a vu. Et donc c'est une preuve que celui qui n'a pas compris ou qui n'a pas assimilé un point, qu'il puisse demander au savant, qu'il pose une autre question, afin que le savant lui éclaircisse. إذا وسد الأمر إلى غير أهلها فانتظر الساعة إذا أسند الأمور التي تتعلق بشؤون الدنيا والدين فهذه من علامة الساعة الواجب وضع الأمور في محلها وضع من يستحق المكان المناسب وذلك لمصلحة وخير للأمة والناس. Et donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la responsabilité sera confiée à ceux ou à celui qui ne la mérite pas, attends-toi alors. C'est-à-dire tout ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas et même les points de la religion. Exemple: celui qui dirige une entreprise, il faut qu'il mérite et qu'il soit digne de diriger cette entreprise. Et même aussi pour la religion, celui qui est responsable d'une mosquée ou même celui qui prêche, il faut qu'il soit digne de diriger cette mosquée, qu'il soit digne de prêcher. Il faut mettre les choses à leur place, de mettre celui qui est digne, qui mérite, à la place qui lui convient. Car en cela, il y a un intérêt, il y a un bien pour la communauté et pour les gens. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فهو يجيب بشيء من أمرتها وأحيانا يلف النظر إلى السائل إلى من هو أهم من سؤاله كما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Et donc, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est interrogé au sujet de l'heure, parfois il répondait en donnant les signes de la venue de l'heure. Et parfois, il détournait celui qui questionnait. Il le détournait. Donc, il détournait celui qu'il questionnait vers ce qu'il y a de plus important que sa question. Comme par exemple, le hadith qui est mentionné dans Al-Bukhari wa Muslim, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مات الساعة فقلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال فقال له ما أعددت لها فلفت نظره ليس المهم أن يعرف مات تقوم الساعة لأن الساعة آتية المهم أن يعرف ماذا قدمت نفسه من الأعمال الصالحة إذا قامت الساعة. Et donc un homme est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit: à quand l'heure? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une question. C'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui est devenu questionneur. Il lui a dit: que lui as-tu préparé? Il a détourné son attention. L'important, ce n'est pas de connaître quand arrivera l'heure. L'heure arrivera certainement. Ce qui est important, c'est de savoir ce que notre âme a préparé comme œuvre pieuse pour le jour de la résurrection. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال ما أعددت لها إلا أنني أحب الله ورسوله فقال له المرء مع من أحب. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que as-tu préparé donc pour la venue de l'heure? Le compagnon a dit: je n'ai rien préparé, c'est-à-dire comme œuvre surérogatoire. Pas comme œuvre obligatoire, comme œuvre surérogatoire. Je n'ai rien préparé, excepté que j'aime Allah et son messager. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'individu sera en compagnie de ceux qu'il aime. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعد هذا الحديث والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد فرحا من هذا الحديث فقال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر رضي الله عنه وأحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرجو من الله أن يلحقني بهم وأن أعمل مثل أعمالهم. Et donc, après avoir cité ce hadith, le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit « Par Allah, nous n'avons pas été si heureux après avoir embrassé l'islam qu'après l'écoute de ce hadith, que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'individu est avec ceux qui l'aiment. » Il a dit, le compagnon Anas ibn Malik, « J'aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'aime Abu Bakr, radiallahu anhu. Et j'aime Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et j'espère que Allah fasse que je les rejoigne et que j'accomplisse les mêmes œuvres qu'ils ont accomplies. » فنكتفي بهذا القدر هذه الليلة وإن شاء الله سنواصل ما بقي من هذا الحديث في الأسبوع المقبل. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.